Stephen King aime sa mamie, Stephen King aime ce qui n'est pas mort mais qui a jamais dort, Stephen King a écrit Mémé et Peter Cornwell l'a adapté. Tous et toutes, bienvenue dans le vidéoclub de Castle Rock. Je suis avec Chris comme toujours, salut. Salut, salut. Ça va? Bah écoute, toujours aussi chaud, mais ça va, oui. Ouais, bah ça s'est pas rafraîchi effectivement depuis une heure, hein. Ça serait même plutôt l'inverse, je pense, il y a dû se passer quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, j'attends avec impatience le moment où je vais bouillir. Très bien, donc bah, nous sommes réunis, sans plus de nouvelles qu'il y a deux semaines, mais pour parler de Mémé, une nouvelle qui fait partie du recueil Brume, et de son adaptation qui s'appelle Mercy, qui a été réalisée par Peter Cornwell et qui est sortie en 2014. Nous allons spoiler la nouvelle comme le film. Après, la nouvelle est plutôt courte, le film, lui, doit quand même rajouter pas mal d'éléments. Donc, si vous ne les avez pas lus et vus et que ça vous rend vraiment curieux, bah, faites-le avant de revenir nous écouter. Et je propose qu'on y aille. Eh bien, allons-y. Mémé nous raconte l'histoire de George, 11 ans, qui doit rester auprès de sa grand-mère infirme après que sa mère soit partie accompagner son frère à l'hôpital qui s'est cassé la jambe. Mais George a peur de sa grand-mère un peu depuis toujours, en tout cas depuis qu'elle est malade, et il se souvient de plusieurs occasions où elle l'a déjà terrifiée, et en fait on se rend compte que la terreur qu'inspire la grand-mère ressemble de moins en moins à celle que peut inspirer une personne qu'on ne connaît pas bien et qui serait très malade, et de plus en plus à des phénomènes paranormaux. A priori, cette nouvelle serait liée à un traumatisme d'enfance de King, puisqu'à ses 11 ans, il a dû déménager avec sa mère et son frère pour s'occuper de ses grands-parents malades. Et a priori, c'est vraiment lui qui a retrouvé sa grand-mère morte un jour en allant dans sa chambre. Donc on retrouverait vraiment très clairement ce traumatisme dans la nouvelle, pour le coup. Ça doit pas être bien cool, effectivement, comme vision. Non, effectivement, ouais. Elle est d'abord publiée dans le magazine Weird Book en 1984, avec des jolies illustrations. J'ai trouvé le magazine et c'est plutôt sympa. D'accord. Avant d'être recueillie l'année suivante dans Brume. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de nouvelles de Brume qui datent de 1984, qui venaient tout juste d'être écrites au moment d'être mises dans le recueil. Ça fait partie de ces quelques histoires de King, surtout, c'est surtout présent dans les nouvelles, qui sont clairement liées au mythe de Cthulhu, puisque là, il y a Astur qui est invoqué pour calmer Mémé à la fin, oui. Et c'est un dieu évoqué dans les mythes de Cthulhu. Même exact. Si, de manière amusante, en faisant des recherches sur Astur, en fait, c'est pas Lovecraft qui a été le premier à nommer ce dieu lui-même, il le réutilise de textes qui datent d'avant lui, mais qu'il intègre ainsi au mythe, c'est assez intéressant. Ah, je savais pas, ça tient, d'accord. Mais pour le coup, il est vraiment juste évoqué chez Lovecraft, oui. Astur. C'est pas un dieu important, on va dire. Il n'est pas développé comme certains, effectivement. Ouais, c'est ça. Mais voilà, bah encore une fois, c'est une nouvelle. Il y a peu d'infos. Brume, il y a certaines nouvelles où il donne plus d'informations en post-fast, mais Mémé n'en fait pas partie, il ne revient pas dessus. Donc, on va tout de suite pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute. C'est une nouvelle... Comment dire ? Toute la première partie, j'aime bien. Le fait que ça joue sur le mystère et sur les peurs d'enfance, notamment liées à la mort, bien entendu. Liées à la mort, liées au deuil, liées à l'enfant panique, parce qu'il ne sait pas comment il pourrait réagir s'il se passerait quelque chose. Il panique également parce qu'il y a toutes ces légendes qui tournent autour de sa grand-mère, il ne sait pas si c'est vrai ou quoi. Tout ça, j'aime vraiment beaucoup. Et mon problème avec cette nouvelle, je trouve, c'est que malheureusement, King concrétise l'aspect mystique et fantastique, et je trouve que du coup on y perd, surtout que ça arrive vraiment en toute conclusion de la nouvelle, l'aspect horrifique et l'aspect surtout le fait que oui, effectivement, la grand-mère soit vraiment une sorcière et qu'il y a des trucs chelous, ça arrive en toute fin, et vraiment, je pense que j'aurais préféré que ça n'arrive pas, que tout ça reste à l'état de légende et vraiment à la pure peur enfantine. Voilà, je ne sais pas si c'est également ton ressenti, mais en tout cas, le fait que cette conclusion arrive m'a quelque peu déçu, du coup. Alors, ça m'a moins déçu que toi, mais je comprends le ressenti. Moi, j'avoue que j'ai trouvé ça intéressant que ça parte de quelque chose de très quotidien et en effet d'une peur d'enfant totalement légitime, totalement normale en fait, Oui. celle de la maladie, celle de la vieillesse et celle de la mort. Et je trouve intéressant que la métaphore aille jusqu'à devenir vraiment fantastique. Ça me gêne pas en fait dans le cadre d'un exercice, enfin d'une nouvelle de genre. Oui, Mais je vois en quoi ça peut te décevoir pour le coup. Mais ouais, j'aurais vraiment préféré un pur récit terre à terre où en fait finalement l'horreur viendrait bah, de l'imagination de l'enfance, quoi, tout simplement. Ouais. Alors après, ça n'en fait pas une mauvaise nouvelle, hein, attention, hein. C'est juste que je trouve que du coup la concrétisation de l'horreur est très brutale, parce que vraiment elle arrive 2 pages avant la fin, limite, quoi. 2, 3 pages peut-être. C'est très brusque. Ouais, après, ça arrive quand même progressivement avec tout ce qu'on a, la mère qui parle aux enfants de ce que des livres que commence à avoir la grand-mère, qui lui permettent d'avoir des petits, des fils tout du long. Il y a quand même des éléments qui sont disséminés tout du long, mais qui font comprendre que toute la famille s'est toujours un peu fermé les yeux sur ça. Ouais, mais même ça pourrait totalement être de la pure légende familiale. Pas de la pure croyance, quoi. Ouais. Oui, effectivement, ouais. Je trouve par contre intéressant quand on prend le côté vraiment purement fantastique, je trouve intéressant d'avoir traité de ce thème que elle est beaucoup plus dangereuse maintenant qu'elle est sénile, c'est ce que dit un des oncles à un Oui. moment. Et effectivement, si elle connaît des incantations maléfiques qui permettent d'invoquer des dieux mauvais, le fait qu'elle soit sénile et qu'elle puisse les sortir sans faire gaffe dans une sorte de délire, en effet, ça la rend beaucoup plus dangereuse. Et ça aurait peut-être été intéressant à creuser, cette idée de vraie sorcière, mais de vraie sorcière devenue sénile là. Oui, et qui du coup ne contrôle plus du tout ce qu'elle fait et conduit à des choses totalement horribles, mais par inadvertance. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est pas, c'est supposé comme pouvant arriver et étant très dangereux, mais ça n'arrive pas, c'est vrai. Il y a, bon, on retrouve une figure assez récurrente de King qui est le personnage de mère très dominatrice. Oui. Donc ça, après, voilà, ça reste un cliché qu'on peut totalement reprocher, mais qui, je trouve, là, encore une fois, se met au service de la nouvelle et qui marche bien. Ah oui, clairement. Par contre, pour le coup, oui, ça fonctionne très bien et ça colle très très bien avec tout ce qui se passe dans la nouvelle. Et ouais, vraiment, quand même, la terreur d'enfant, comme tu disais, est bien traitée avec toutes les vérifications qu'il fait sur le corps pour s'assurer qu'il est bien mort, où il se réfère à des trucs qu'il a vus Dans des films, ouais. dans des séries télé et dans des films. Parce que bah, forcément, c'est son seul rapport. Bah, le coup du miroir, typiquement. Oui, c'est ça. Et même remonter le drap sur le visage, il Oui. veut le faire. Parce que c'est un truc qu'il a vu faire dans des films, il sait pas exactement si c'est utile. Oui, c'est pas C'est juste pourquoi on fait ça. que... Voilà, c'est ça, il se dit, on le fait et je vais être pris pour un lâche par mon frère si je ne le fais pas. Parce qu'en plus, il est totalement beuli par son frère. Précisons qu'effectivement, en plus, il est vraiment tout seul dans la baraque tout le long. Oui, il ouvre régulièrement le téléphone parce que bah, c'est un vieux téléphone, donc il entend les conversations des voisins. Et il a une voisine qui passe la journée au téléphone et ça le rassure juste D'entendre sa voix, oui. d'entendre sa voix. Mais effectivement, il est tout seul et bah, ça traite bien de l'isolement, de l'idée que c'est un enfant qui se retrouve a priori pour la première fois tout seul chez lui et en plus avec sa grand-mère malade. Et puis les descriptions de l'état de semi-morte en fait de la grand-mère, il y a vraiment des passages. C'est glauque et effectivement ça peut totalement être terrorisant pour un enfant. Oui. Oui, parce qu'il y a un peu cette double idée. Il y a l'idée déjà de effectivement qu'il la perçoit un peu comme monstrueuse, ce qui est un ressenti d'enfant qu'on peut totalement comprendre. Oui, parce que Et en c'est une même temps, il y vieille. a aussi pas mal. Parce que c'est une vieille dame obèse, qui a des problèmes de santé, donc effectivement. Ouais, voilà, c'est ça. Ça correspond à plein de représentations de monstres qu'il a dû voir dans ce qu'il a lu, dans ce qu'il a vu, dans son imaginaire, en fait. Et en même temps, il y a une autre peur qui est celle de s'il arrive quelque chose, comment je gère en fait. Je ne sais pas m'en occuper. Donc il y a aussi la peur de se retrouver avec une responsabilité qui est beaucoup trop grosse pour lui. C'est ça. Donc je trouve que ça traite bien des deux problèmes, effectivement. Dans une nouvelle qui est assez courte, hein, parce qu'elle fait quoi, une trentaine de pages ? Oh, un peu plus quand même. Elle en fait peut-être une quarantaine, je dirais. C'est vrai que je l'ai en grand format, donc... Ah oui, 46 pages en livre de poche. Ouais, oui, quand même. Une quarantaine de pages, quoi. Mais elle se lit bien, sans ennui, ça va assez vite. Oui, c'est ça. Disons que c'est... Comme je l'ai dit, moi, c'est vraiment toute la scène finale qui me déçoit, mais sinon, tout le reste, c'est bien écrit, c'est vraiment bien rythmé. Il y a des événements qui parcourent la nouvelle qui font que c'est difficile de ne pas la lire d'une traite, du coup, justement. C'est difficile de reposer le bouquin. Oui, ça joue bien des flashbacks de toute la légende familiale qui ressort petit à petit. Ouais. Oui, c'est ça, t'as plein de moments où le gamin énumère ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, ce qu'avec son frère ils ont espionné, parce que t'as des moments où ils espionnent un peu les conversations d'adultes. Même ça, du coup, ça joue sur le fait, est-ce qu'il a vraiment bien compris ce que les adultes ont dit entre eux, ça participe au côté légende qu'il y a dans cette famille. Il y a un peu toujours l'idée que les conversations, ce sont des conversations qui sont entendues oui. De loin. Mmh. Parce qu'on n'en parle pas devant les enfants, ça c'est maintenu tout du long comme, ouais. Comme idée. C'est ça. Moi c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire. Ben écoute, moi aussi. Très bien, bah, dans ce cas-là, nous allons passer à l'adaptation. Your grandma, she's in pretty bad shape. The nursing home won't take care of her. She's gonna need us close, okay? What's this? That's a conjuring book. It's used for black magic. Folks say that it opens a doorway to something dark and evil. Grandma? Death's coming. You can't save me. Your grandmother. She sees things. Isn't it possible that you imagined or dreamed all this? Donc, le film, c'est une coproduction entre Blumhouse et Wonderland Sound and Vision. C'est le studio de production du réalisateur McGee, celui-ci, le gars qui a réalisé les Charlie's Angels et Terminator Renaissance, parmi d'autres chefs-d'œuvre. Waouh! Le projet est annoncé en octobre 2012 et comparé à plein de trucs dont on parle, là, il y a déjà le réal et le scénariste définitif qui sont annoncés. Et déjà Frances O'Connor aussi dans le rôle principal, le reste du casting lui est révélé un peu plus tard. D'après Jason Blum, le projet à l'origine c'est une idée de la boîte de production de McGee justement, et ce dernier lui a proposé d'y participer plus tard alors que le scénario était déjà écrit et que les droits avaient été sécurisés. En fait, Jason Blum est arrivé pour apporter son expertise en tournage de films d'horreur pas cher. Son expertise. Dans une interview, oui, bah, il sait le faire, c'est sûr. Dans une interview faite lors du tournage, je le trouve d'ailleurs étonnamment honnête sur sa stratégie de prod, où il dit que bah, son but c'est de produire des films pas chers, vite et avec un high concept. J'imaginais Blum être plus focus sur sa communication, peut-être qu'il l'est devenu depuis. Mais ouais, je l'imaginais pas avoir une sorte de communication limite à la Roger Corman où il assume de, où il avoue, de oui, faire du vite fait et pas cher. Cela dit, pour beaucoup de personnes, Blum est le nouveau Roger Corman. Bah en même temps, il y a un peu de vrai. Hein. Corman produisait beaucoup de merde. Hein. Ah bah oui, oui, clairement. On en tient certain, mais il produisait beaucoup de merde, donc c'est un peu vrai comme et, comparatif. Et il produisait beaucoup de merde volontairement pour produire des trucs un peu plus qualitatifs. Hein. Il oui. S'en est jamais caché. La différence, c'est que Corman était réalisateur lui-même de manière très régulière, tandis que Blum est vraiment que producteur. Oui, et la différence, c'est que Corman a vraiment eu une période faste avec beaucoup de qualitatifs aussi. Oui. Bon, faudrait vérifier Blum, il y a quand même peut-être il doit y avoir un ou deux bons trucs par an quand même, c'est pas si mal. Oui, oui, oui. Ouais. Si, il y a quand même en termes de production quand même, il a produit des bons projets quand même. Allez. Ouais, ne serait-ce que les Conjuring de Wan et les Insidious de Wan d'ailleurs. Voilà. Ou même plus récemment, Megan, c'était plutôt cool. Alors le 2, je sais pas. Il paraît que le 2 est cool aussi. Ok. Et les productions, enfin les réalisations de Christopher London, dont t'as découvert Drop il y a pas longtemps. Oui, c'est ça. C'est aussi, il fait partie de l'écurie Blumhouse. Et c'est lui qui a produit aussi les trucs comme Sinister. Ah mais oui, exact. Il est régulièrement producteur de ce réalisateur-là aussi, donc ça va. Oui, exact. Et dans cette même interview sur le tournage de Mercy, il évoque qu'il est en train de travailler sur la méthode respiratoire, un projet abandonné, mais Blumhouse reviendra tout de même à King par la suite avec Firestarter, par exemple. Et actuellement, il y a aussi des projets Blumhouse concernant Christine et après, mais sans nouvelles depuis un bon moment, donc je ne sais pas si c'est encore en cours ou si c'est abandonné. Ok. Du coup, la version Blumhouse de Charlie, on en a parlé il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Et c'était pas fameux. Voilà. On va pas se mentir. Le réalisateur Peter Cornwell, c'est un réalisateur australien qui, avant Mercy, avait fait des épisodes de séries et des courts-métrages, dont un fan-film Batman un peu rigolo, qu'on trouve sur YouTube, où à cause d'un produit chimique, le Batman d'Adam West devient le Batman de Christian Bale. Ah, rigolo. Il va falloir que j'aille voir ça, tiens. Ouais. En long métrage, il avait déjà fait Le Dernier Rite avec Elias Koteas, dont on parlait il y a peu d'ailleurs. Ok. Et je ne trouve par contre aucune actualité depuis Mercy. Son site internet dit qu'il est en train de développer plusieurs projets, mais sans entrer dans les détails. Alors on peut s'abonner sur son site internet pour 15$ par mois, pour 39$ par mois ou en un seul versement de 99$. Donc on peut s'abonner. Le souci, c'est que je ne sais pas à quoi on s'abonne. Donc c'est oui. Peut-être juste pour le beau geste, tu donnes de l'argent et t'as peut-être quelque chose derrière. Mmh. C'est plus ou moins le principe d'un abonnement VIC, tu me diras. Oui, c'est mais pas faux. C'est plus cher. Ouais, mais là t'as de la qualité. Lol. Ouais, oh bah oui, vachement. Le scénariste Matt Greenberg, c'est un des co-scénaristes de 1408, mais il était à côté de Scott Alexander et Larry Karaszewski sur 1408, et j'ai quand même tendance à supposer que c'est plutôt ces deux derniers qui apportent les grosses qualités de 1408, parce que ce sont deux bons scénaristes. D'accord. Parce que depuis, Matt Greenberg, il est indiqué pour l'histoire du cimetière de 2019. Bon. Et je crois que je ne l'avais pas cité à l'époque de 1408, mais il est aussi crédité en non... enfin, il est non crédité au générique, mais il a aussi participé à des corrections sur le scénario de Children of the Corn 3. Alors, ça fait partie des Children of the Corn qu'on n'a pas fait, et il a plutôt bonne réputation à la hauteur de la saga, le 3, donc si ça se trouve, c'est génial. Hein, oui, peut-être. On va lui laisser le bénéfice du doute, lol. Oui, voilà. Je crois que c'est le seul que j'ai pas vu, parce qu'on n'a pas encore traité du 2, mais le 2, je l'ai vu. Donc, je crois que le 3, c'est le seul Children of the Corn que je n'ai pas encore vu. Ouais. Au casting, George est joué par Chandler Riggs, acteur qui, à un peu plus de 10 ans, a obtenu un des rôles importants, voire principaux, de The Walking Dead, qu'il a gardé pendant 8 ans, donc toute sa fin d'enfance et son adolescence, on l'a vu grandir dans The Walking Dead. Et donc, Mercy en 2014, ça arrive en plein milieu de son parcours sur la série. Mm-hmm. Depuis, il a joué dans la série A Million Little Things et il est sur plusieurs autres projets sortis ou annoncés, mais il a un peu ralenti depuis ses débuts, peut-être le temps de faire une pause, de faire peut-être des études, enfin des trucs comme ça. D'accord. Son dernier post Instagram dit qu'il était sur Paris pour une séance de dédicace début juin, c'est parce que bah, du coup c'est con, on aurait su, on serait allé l'interviewer, quoi. Mais bon. Mercy, donc la mémé, est jouée par Shirley Knight, qui est décédée en 2020 et dont la carrière avait commencé dans les années 50. Elle a par exemple joué dans Les gens de la pluie, le film que Coppola fait juste avant Le Parrain mais que je n'ai pas vu. Sinon, elle a fait pas mal de séries et de théâtre, et au cinéma, elle a traversé une période bateau, parce qu'à un moment, elle tourne d'affilée, alors en réalité, c'est à 5 ans d'écart, mais c'est les deux films qu'elle tourne d'affilée, dans Terreur sur le Britannique et Le dernier secret du Poséidon, donc des chefs-d'œuvre sur des bateaux. Et moi sinon je l'ai vu dans le film Paul Blart Super Vigile, mais je sais même pas pourquoi j'ai regardé cette merde. Voilà. La mère Rebecca, elle est jouée donc par Frances O'Connor, un des rôles principaux dans AI de Steven Spielberg. C'est elle qui joue celle qui adopte le gamin robot. Oui. Elle joue aussi la mère de la famille cliente des Warren dans Conjuring 2. On parlait de James Wan il y a un instant. Et elle est globalement pas mal active dans des films de genre, mais aussi régulièrement en début de carrière dans des adaptations de classiques, et elle est passée à la réalisation en 2022. Elle a réalisé Emily, un biopic d'Emily Brontë, qui me rend assez curieux en réalité, parce qu'on m'en a dit du bien, je crois que c'est KXV qui m'en a dit du bien, et ça me rend curieux la vie des sœurs Brontë. L'oncle est interprété par Marc Duplass, qui en réalité est aussi réal, producteur et scénariste. Avec son frère dans l'ensemble, il a travaillé sur les enfin il a réalisé les films Baghead ou Jeff Who Lives at Home, et il a produit The Lazarus Effect, que j'ai vu et qui est pas bien du tout. Ah oui, voilà. Et effectivement, oui, c'est pas très bien. Par contre, il a co-créé une série qui s'appelle Room 104, qui est une série d'anthologie où tous les épisodes se passent dans une même chambre de motel. Alors j'en ai rien vu, hein, mais pour le coup, je trouve le concept assez curieux, et si c'est bien fait, ça peut être sympa. Ouais, effectivement. Voilà. Et c'est aussi le réalisateur du film Creep, du film d'horreur en fin de footage Creep, qu'il a co-scénarisé, dans lequel il joue l'antagoniste principal. Voilà. Creep. Ah oui, j'ai vu le premier, c'est sympa, mais j'ai pas compris la hype autour. Parce que c'est un film qui a quand même une aura incroyable autour de lui. Oui, bah d'ailleurs, il vient d'y avoir un 2 qui vient de se faire. Non, un 3, parce que le 2 est sorti il y a longtemps. Ah ouais, il y a un 3 maintenant. Oui. Eh bah dis donc. Le 2, il a été fait en 2017. Le 2, le 3 par contre est teasé là, oui, il est sorti en. Il est sorti je crois l'année dernière ou il sort cette année, je sais plus. Ah bah j'avais loupé ça. J'ai pas vu du tout les clips pour le coup. Hein. Voilà. C'est des adaptations de la chanson de Radiohead ou pas? Je ne crois pas. Le frère, le grand frère de George qui s'appelle Buddy, c'était lui qui jouait le rôle principal de Super 8. Et il continue une petite carrière depuis, voilà, j'ai pas noté plus de trucs vu que c'est un rôle assez secondaire. Et le voisin Joom est joué par Dylan McDermott, qui, après avoir joué dans le film Dans la ligne de mire de Clint Eastwood, grâce à l'appui de ce dernier, il devient un des rôles principaux de la série The Practice. Mmh. Et donc, bah, il joue pendant plusieurs saisons dans The Practice, qui reste son truc le plus connu. Ouais. Et depuis, il a joué surtout des rôles secondaires, mais en restant pas mal actif, avec une certaine popularité, a priori, pour un rôle qu'il a eu dans la première saison d'American Horror Story. Il jouait le père, je crois. Alors, il est indiqué comme jouant un psy, mais il peut être père et psy à la fois. Oui. Ça interdit pas. Ah, je sais plus. J'ai vu que les deux premières saisons d'American Horror Story, donc faudrait que je continue, mais j'ai pas le temps, frère. Comme on dit. C'est une réputation quand même mitigée, hein. American Horror Story. J'ai l'impression. Oh, ouais. Ben non, les premières saisons sont justement assez mises en avant en général. Ouais, mais justement, est-ce que tu les as pas vues, les saisons mises en avant? Bah, j'ai vu que la première totalement. Ouais. Ouais, du coup, peut-être regarde la deux, quoi. Mais la première était très cool, je l'ai dit. Ça revisitait bien le mythe maison hantée. Ouais, moi, ça m'a jamais emballé pour le coup. Mais bon, probablement à tort. Hein. Ouais, mais ça, c'est le format série qui te fait ça. Oui, ça joue. Il y a déjà 12 saisons, la vache. Ah, il se passe vite. Le ah ouais, ça continue encore. Hein. Et il en fait plein d'autres maintenant. Le développeur, il fait, je sais plus qui. Ryan Murphy. Tout plein de trucs. Ryan Murphy, il fait plein de trucs. American, machin story. C'est devenu une grosse licence, hein, ce machin-là. Ces machins-là. Le directeur photo de Mercy, c'est Byron Shaw. Depuis 2021, il est directeur photo sur Grey's Anatomy, et j'avais aucune idée que ça existait encore, ce machin-là, Grey's Anatomy. Je pensais que c'était arrêté depuis genre 10 ans. Alors. Mais non, ça continue. En général, c'est un directeur photo qui est surtout sur des téléfilms et des séries, mais en faisant souvent que un ou deux épisodes, à part une série de temps en temps où il en fait plus, mais il est pas mal actif. Et bon, la photo est pas mal sur Mercy, surtout dans les scènes d'extérieur, je trouve. Ouais. Je trouve. Ça arrive à bien filmer le décor. Ouais, je trouve que les scènes d'intérieur, par contre, ça manque un peu d'éclairage, justement. Ouais, oui, les scènes d'intérieur, c'est moins convaincant, effectivement. Le compositeur de la BO, c'est Reza Safinia. Sur son site internet, j'ai trouvé du bullshit orientalisant expliquant sa fascination pour la culture asiatique. Il a fait deux albums appelés Yin et Yang. Bon, si ça se trouve, c'est très bien, mais bon, voilà, quoi. Oh, ça sonne raciste. Je suis pas allé... Ouais, c'est ça, c'est... ouais, Ça sent bon le racisme, mais tu sais, un peu le racisme de gauche, c'est plutôt que dire c'est tous des sauvages, ça lit c'est fascinant, c'est culture. Ouais, c'est tous des artistes. Ouais, voilà. C'est folklorique. Oui, oui. Et il a fait pas mal de BO, c'est déjà lui sur le court-métrage Batman du réalisateur d'ailleurs. Sinon, il a co-composé la BO de la série Warrior avec H. Cut Salinas, et il a participé à celle de la série Snatch, parmi d'autres trucs. Bon, Snatch, c'est bon, j'ai vu en film, j'ai pas regardé ça en série, quoi. C'était sympa, mais faut pas déconner. La BO de Mercy, je la trouve vraiment pas mal quand elle met le violon solo très en avant, donc surtout dans sa première moitié. Dans Horreur, elle est plus académique, et donc, comme c'est ça qui prend le pas petit à petit, elle devient de moins en moins intéressante au fur et à mesure que le film avance. Le film sort le 7 octobre 2014 aux États-Unis directement en VOD et DVD Blu-ray. Il a actuellement 1,9 étoiles sur Allociné, ce qui le place 73e à égalité avec Riding the Bullet, Conte Macabre, La Créature du Cimetière et Firestarter sous l'emprise du feu. Et 27% sur Rotten Tomatoes, c'est pas la fraîcheur parce qu'il n'y a pas assez de monde qui l'a noté, ce qui le place 65e à égalité avec The Mangler. Même dans les critiques bienveillantes, dans l'ensemble, elles sont bienveillantes avec le début du film et la fin est signalée comme étant décevante. Tout le monde ne dit pas qu'elle est mauvaise, mais tout le monde dit qu'elle est plutôt décevante. Et bah, du coup, on l'a bien vu, c'est un film qui n'est pas particulièrement bien reçu, pris au global. Hein. D'ailleurs, en France aussi, c'est directement un truc sorti en VOD, donc on ne trouve pas non plus 150 critiques. Hein. Il est passé assez inaperçu. Oui, oui, on peut même dire qu'on a eu du mal à le trouver, hein. Nous-mêmes. Ouais, on a un peu galéré à le trouver et on n'a pas de VF, donc désolé pour les extraits. On a fait avec ce qu'on avait sous la main, qui implique pas d'acheter le DVD de cette merde. Voilà. Cette merde, le mec spoil son avis direct. It's hard being an outsider. And you and me come from a long line of outsiders. People like to prey on those who are weak. But you have to remember something. It's not because we are weak. It's because we are strong. My grandma taught me that. What's this? A warning. It means if anyone who lacks courage steps foot on her grave, she'll reach out and strike them dead. But she was just kidding, right? See for yourself. Bah oui, bah c'est un film chiant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, moi? C'est vraiment, quoi. Non, c'est vrai que le début essaye de mettre en place des choses en termes d'ambiance. Alors, on voit très très vite que le gamin et la grand-mère, ils sont turbo tarés. On dit, bah, je comprends pas, c'est ce gamin-là qu'on est censé suivre pendant tout le film, qu'on est censé s'attacher. Celui qui essaye de faire peur à son grand frère comme un petit enculé. C'est quand même particulier. Le grand frère est quand même plutôt un connard aussi. Oui, enfin bon, le grand frère est un connard, mais le petit a l'air d'être encore plus psychopathe. Donc je me suis dit, bah, c'est bizarre. Moi, j'aime beaucoup la grand-mère qui, quand tu te retrouves face à un serpent, te conseille de jouer du violon et de le regarder dans les yeux. Je pense pas que ça fonctionne dans la vraie vie. Non, effectivement, dans le doute, essayez pas. Alors après, mince, j'aurais pu demander à un ami violoniste si ça marche. Si ça marche, est-ce que ça fonctionne? Tout ça... Je viens de dire, hein, si t'as un peu le même ressenti, et tu n'y as peut-être pas pensé, mais du coup ça va peut-être te sauter aux yeux là maintenant, me fait penser à du Andy Muschietti. C'est-à-dire quand il essaye justement de faire de la vie de tous les jours et du drame, ça peut fonctionner, mais dès que ça veut faire de l'horreur, mais c'est nul à chier, c'est incroyable. Voilà. Ouais, et encore, je te trouve un peu dur envers Andy Muschietti parce que... Il est meilleur que ça sur le côté vie quotidienne, oui, drame. Mais oui, par contre, oui, Muschietti, en termes de drame et vie quotidienne, lui, c'est très très bon. C'est vraiment que l'horreur, par contre, qui est pas terrible. Là où il s'en sortait le mieux en termes d'horreur, c'était sur Mama, et encore, c'était pas foufou. Ouais, tandis que là, même la vie quotidienne, c'est au mieux passable, mais c'est jamais extraordinaire, quoi. C'est ça. Mais c'est long. Oh là là. Et pourtant, le film est court, hein. Il dure moins d'une heure vingt, mais c'est long. Oh là là, ouais. C'est interminable. On sent qu'ils ont dû rallonger la sauce, hein, ouais. Du coup, tu perds tout le côté peur d'enfance. Parce que déjà, le gamin n'est plus tout seul dans la baraque. Ouais, là, pour le coup, bah, ça a pas tenté de faire un truc vraiment en huis clos, enfermé, qui aurait été un peu expérimental. Pourtant, ça aurait été bien le style de Blumhouse. Une heure et demie avec sa grand-mère enfermée dans une baraque, ça aurait été totalement dans le côté high concept. Que prétend développer Blumhouse. Bah oui, complètement. Mais ça le tente pas. C'est dommage, ça aurait été au moins un peu plus audacieux à défaut d'être bon. Bah c'est ça. Là, en effet, ça déploie un récit très banal. À la limite, la bonne idée, c'est que ça montre au départ une complicité entre George et sa grand-mère, ouais. Complicité qui va être mise à mal par la maladie croissante et les problèmes psy croissants de la grand-mère. Ça, c'est assez intéressant dans la volonté de traiter, de voir une personne âgée malade qui s'éloigne de nous à cause de la maladie. Mais comme c'est pas très bien développé, c'est pas non plus démesurément intéressant. Parce que du coup, ça aurait pu faire de la maladie une espèce d'entité mystique au vu d'un enfant. Mais c'est pas du tout ce qui est exploité. Et puis la grand-mère fait pas du tout flipper, quoi. Alors que d'habitude, les vieux dans le film, dans le cinéma horrifique, c'est flippant, en général. Ouais, je pense qu'elle n'est pas suffisamment bien filmée pour que ça marche au niveau de l'angoisse. Et sorti quand, merci, 2014 2014, ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, c'est con, parce qu'un an après, Blumhouse faisait un film avec des vieux qui font vraiment peur, parce qu'ils faisaient The Visit. Produisait le The Visit de Shyamalan. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est eux qui ont produit le Visit de Shyamalan. Ben, c'était peut-être leur revanche prise sur Mercy. Hein. Ils se sont rendus compte que c'était pas bien. Tu l'as vu depuis Ils ont fait The Visit pour se rattraper. Oui, oui, je l'ai vu il y a peut-être un an maintenant, un peu plus. Et effectivement, il est chouette. Ah, il est vachement bien. Le twist se sent venir à 1 km, pour le coup. Ouais, mais c'est suffisamment bien mené pour pas gêner. Voilà, mais le film est vraiment cool, ouais. Et pour le coup, vraiment flippant. Globalement, je trouve que c'est pas subtil dans sa manière d'essayer d'associer maladie et horreur. Par exemple, toute la scène où la mère et les deux enfants doivent faire la piqûre à la grand-mère, qui est traitée limite comme une scène d'exorcisme, je vois l'idée. Et l'idée est pas mauvaise, et l'idée surtout rejoint bien ce que disait la nouvelle, mais c'est vraiment pas très bien fait, quoi, et surtout pas fait avec assez de finesse. Du coup, c'est juste un peu brutal, pas bien. Ben, c'est ça. Il y a même une scène. Pareil, je comprends l'idée, mais c'est tellement mal mis en scène. Au début du film, on voit que la grand-mère, quand elle commence à péter ses premiers câbles, elle tranche le bras du grand frère. Oui, elle le blesse. Ouais. Voilà, elle le blesse. Et ensuite, c'est parce que elle tranche le bras, tu as l'impression oui, qu'elle le blesse complètement. Elle l'entaille. Elle l'entaille avec un couteau. Et du coup, bon, t'as les événements qui se passent, t'as une ellipse, et au moment où ils vont pour s'occuper d'elle, on voit que le grand frère, il en a marre de cette famille, il veut se barrer, le petit frère semble pas comprendre, et la caméra te montre, bon, de manière peu subtile, la cicatrice qu'il a subie, qui lui reste à cause de ses entailles. Et tu comprends, du coup, pourquoi lui en a marre de cette famille. Mais c'est tellement peu subtil, c'est tellement mal amené, alors que l'idée est bonne, en vrai. Oui, de montrer qu'ils n'ont pas tous les deux vécu la même chose face à la grand-mère, et que donc il y en a un qui peut pas vraiment pardonner, ouais. Voilà, c'est ça. L'idée est bonne, mais putain... La manière dont c'est fait, oh là là là, tellement peu subtil, c'est vraiment des gros sabots, quoi. Ah oui, la subtilité est complètement mise à la poubelle pendant tout le film, là, pour le coup. Il tellement dommage. Tout bien expliqué, ouais. On peut en parler tout de suite, parce que ça apparaît pour la première fois assez tôt dans le film, mais c'est très mal exploité, donc on a tendance à l'oublier, que le héros a une amie imaginaire, enfin, oui. Pas vraiment imaginaire, mais a une amie invisible. Oui. Sauf qu'elle apparaît dans genre 3 scènes tout au long du film, c'est très ça. Épisodique. Donc je sais pas, est-ce que c'est qu'il y a eu masse de scènes coupées autour de ça, mais en l'état, ça marche pas du tout parce que c'est jamais développé, quoi. Et puis ça marche d'autant moins que dès la première scène où elle est là, on nous le dit franco, c'est une amie imaginaire, c'est con, ça aurait gagné justement à ce que ça reste un mystère pendant une partie du film. Ouais, ça, à la limite qu'on nous le dise tout de suite, pourquoi pas, mais il aurait fallu qu'elle soit vraiment présente, qu'elle ait l'air de la jouer, tandis que là... elle lui apporte rien en soi. Bah non. Ce qui est d'autant plus con quand tu connais ce qu'elle représente au final. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est une des idées où on comprend pas pourquoi elle y est dans le film. Voilà. Est-ce que c'est des restes d'un truc qui était plus développé à la base et qui finalement ne l'est pas plus que ça. J'ai noté petite référence à l'univers de King. Je sais pas si t'as vu, la maison de retraite s'appelle RL Flag. Oui, oui, Flag. Voilà. Donc comme... Randall. Comme l'antagoniste du fléau. Et de la tour sombre. Et de la tour sombre. Qui représente le mal. De là à dire que tous les vieux de cette maison de retraite représentent le mal, je ne sais pas. Ah. Bon, a priori, non, vu qu'il y en a plusieurs qui sont victimes, visiblement, de Mercy. Oui. C'est quoi? C'est la tante, je crois, qui est dans un hôpital psychiatrique. C'est tellement mal exploité, ça aussi. Oui. Je crois que c'est une détente. Enfin, il y a plein de trucs qui sont un peu confus et mal exploités, ouais. On sait qu'elle est dans un hôpital psychiatrique, on se doute que c'est parce que Mercy lui a fait subir des trucs. Elle prévient le gamin, elle est censée revenir, quand il la retrouve, elle est déjà morte. Ça n'a ni queue ni tête. Ouais, c'est un peu le bazar, ouais. Il y a le voisin, love interest de sa mère, qui essaye de le traquer. Ouais, pareil, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, son retournement final. Il se fait tuer en se faisant écraser par une bagnole d'un coup. Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, on dirait limite un trait d'humour quand il se fait écraser, tu sais. C'est ça. Il se fait percuter dans la manière dont c'est filmé. En fait, il y a plein d'éléments comme ça qui semblent des clichés repris à plein de trucs et qui ont été mélangés là et qui ne fonctionnent pas, en fait. C'est ça. C'est tout ce qui concerne le voisin, effectivement, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, ça n'a rien à faire là. Ça vient de nulle part, quoi. Alors, tu le disais tout à l'heure, oui, la photographie sur les scènes d'extérieur n'est pas dégueulasse, mais, par contre, l'ensemble de la réalisation, elle est ultra plan-plan, quoi. Des fois, t'as vraiment l'impression d'être devant un téléfilm. Hein. Ouais, pareil, il y a quelques beaux plans en extérieur, mais sinon, oui, c'est très très banal. Ah, vrai, clairement. Hein. Tu sens la micro-production, quoi. Bon, et surtout le réalisateur pas bien imaginatif, parce qu'avec une micro-production, t'as de quoi faire des trucs bien, hein, normalement. Hein. Ah oui, clairement. Et les scènes censées être un peu horrifiques, gore, là, pour le coup, on sent la volonté de pas avoir un PG trop élevé, parce que elles sont censurées à mort, et notamment la toute première scène où le mari de Mercy se plante une hache dans le crâne. Mm. Moi, j'avais pas du tout compris ce qu'il faisait dans un premier temps. C'est parce que c'est expliqué plus tard que je comprends qu'il se plante une hache dans le crâne. Ah, ça va, moi, je trouvais que c'était... J'ai trouvé que c'était plutôt... Ouais, moi, ça m'a pas perturbé, cette séquence-là. Et justement, je trouve qu'on voit bien la tête au niveau de l'ombre bien se couper en deux, donc ça va. Moi, ça m'a pas perturbé. Ah ouais, moi, j'ai trouvé ça pas clair du tout, pour le coup, à ce moment-là. Et pourtant, je me suis repassé à scène une fois que j'ai su, justement. Et d'accord. Même là, voilà. Ah, moi, c'est vraiment toutes les scènes de fin où je suis vraiment pas convaincu. Ce qui est pas, c'est que les effets spéciaux sont pas beaux. Hein, ah oui. Notamment les effets spéciaux, parce que pour essayer de reprendre, il y a l'idée que les enfants vont trouver un des livres de Mercy. Ouais. Donc un des livres permettant d'invoquer une divinité du mythe de Cthulhu. Et il faut pleurer sur le livre pour faire apparaître le sort dont on a besoin, c'est ça l'idée. Mais l'apparition du sort sur le livre, on sent qu'ils ont pris le premier effet disponible gratuitement sur After Effects pour le faire. C'est ça. Et encore une fois, ce qui est dommage, parce que pour le coup, c'est une bonne idée. Oui. Le fait de devoir pleurer en pensant à ce que tu veux, et comme ça, du coup, le sort apparaît sur le livre, c'est vraiment une très bonne idée. Et l'exécution, encore une fois, qui est totalement foirée. Ouais, c'est ça. Et ça va pas mal en jouer sur la fin, avec pas mal d'effets qui veulent jouer sur l'association entre l'encre et l'ombre. Ouais. Et du coup, ça va être moche. À pas mal de moments. Ah, puis toute la fin, c'est... La fin où la grand-mère, mi-sorcière, mi-possédée, en fait. Parce qu'elle agit vraiment comme une possédée, elle se met à dégueuler partout. Une espèce d'encre noire, c'est dégueulasse. Ça n'a aucun sens. Alors qu'encore une fois, ça aurait pu jouer de l'idée que c'est une sorcière, mais qui est touchée par des maladies de la vieillesse et donc qui ne se contrôle plus en tant que sorcière. Ça aurait pu vraiment l'exploiter, ça. C'est ça, mais pas du tout. Non. Et la fin, pour le coup, est totalement différente de celle de la nouvelle, parce que c'est une fin totalement positive. Oui. Au contraire de la nouvelle. On l'a pas dit, avec un message qui tombe d'un coup sur la famille, mais bon. Oui. On l'a pas dit, mais à la fin de la nouvelle, c'est clairement dit que finalement, le gamin est lui aussi possédé par l'entité, comment il s'appelle déjà ? Astur, je pense. Astur, voilà, qu'il est en partie sous son contrôle, parce qu'il pense déjà à faire du mal à son grand frère. Et alors que pas du tout, hein, dans le film, Astur est vaincu, la grand-mère elle est morte, et enterrée, elle va manger ses morts elle aussi, comme ils disent. Et puis voilà, quoi, basta. Et puis tout le monde est heureux, les enfants vont grandir, ils vont se marier, ils auront beaucoup d'enfants. En gros. Alors par contre, dans les trucs où j'ai trouvé que c'était bien, et qu'on voit pas assez souvent ça dans les films d'horreur bas de gamme, quand ils découvrent les pouvoirs des livres, très très tôt, le grand frère a le réflexe de vouloir détruire le livre. C'est quasiment la première chose qu'il veut faire. Alors ça va se retourner contre lui. Mais pour une fois qu'il y a un personnage qui a la bonne réaction dans ce genre de contexte... Mais qui a une réaction logique. Ouais. Qui a une réaction logique de « Oh putain, c'est pas normal. Il faut s'en débarrasser. Ouais. » C'est vrai. Tu vois, j'ai pas tilté sur le moment. There's your Aunt Jenny. With a boyfriend Terry Clay. They were so in love. It was beautiful. Your grandma didn't like it. She said, there is no way in hell I'm letting you go, Jenny. But Jenny stood up to her. She said, I'm moving out. I'm getting married. I love this man. What would Grandma say? Enjoy your honeymoon. Yeah, I didn't think much about it. So they went camping near Holly River. Jenny said they'd be gone 2 days. A week later, the Rangers found them. Papers called it a bear attack. What was left of Terry, you could have fit in a shoebox. And your Aunt Jenny, they found her hiding up in a tree. And she screamed. She screamed all the way to the goddamn nut house, George. Now, let me ask you something. What kind of a bear tears apart half a forest and doesn't leave one goddamn track? Et il y a un personnage sur lequel je voulais revenir parce que pour le coup je trouve qu'il joue bien et je trouve qu'il a une scène pas trop mal, c'est l'oncle. L'oncle alcoolique, oui. A priori, qui a beaucoup plus subi la grand-mère, donc sa mère pour lui, que la mère des héros. Et quand il raconte, quand il explique un peu ce qu'il a subi et pourquoi lui, il l'aime pas beaucoup, il n'arrive pas beaucoup à avoir d'affection pour elle, je trouve que la scène marche bien, il joue bien et ça traite bien du fait que selon ce qu'on a vécu avec une personne dans une même famille, on peut avoir des ressentis très différents sur un même membre de la famille. Et il explique que la mère du personnage est partie s'engager dans l'armée, donc forcément elle n'a pas vécu l'arrivée de la maladie et tout ça, et quand c'est parti en couille, quoi. Ouais. Enfin, même pas l'arrivée de la maladie, juste quand c'est parti en couille, parce qu'en fait, leur mère a pété un câble quand l'un des gamins s'est barré, s'est dit qu'elle voulait jamais revivre ça, tout simplement. Ouais. Même si c'est déjà sous-entendu que elle avait déjà fait des sacrifices aux dieux maléfiques avant, donc elle était déjà dangereuse avant, en réalité, et ses enfants le savaient. Oui, parce que de toute façon, ils sont nés à cause de ça. Oui, c'est ça. C'est un pacte qui a mené à leur naissance, c'est pour ça que le père... suicide en se découpant la gueule à coups de hache. Oui, pour pas qu'il y en ait plus. C'est ça. Après avoir sombré dans l'alcoolisme, nous est-il raconté. Alors que dans le roman, d'ailleurs, ils sont beaucoup plus. Hein. Ils sont pas que trois. Ils dans sont la nouvelle. Une dizaine, ouais. Dans, voilà. Dans la nouvelle, ils sont une dizaine, ouais. C'est vraiment une famille très très nombreuse. Mais ouais, ça aurait été peut-être intéressant à développer plus le fait qu'au bout d'un moment... Ça, c'est évoqué dans la nouvelle, qu'au bout d'un moment, c'est plus vraiment les enfants qu'elle veut, c'est qu'elle est devenue addict au pacte. Et ça aurait été un thème intéressant, mais pareil, pas développé, enfin pas du tout abordé dans le film quasiment même. C'est ça. Ah, puis il y a tous ces clichés habituels de ce genre de film avec la figure du représentant religieux qui fait réagir la personne. Tu sais, quand ils font une espèce de petite cérémonie en hommage à la grand-mère, t'as le prêtre qui arrive et elle le voit arriver de loin et elle a vraiment une réaction de démon, quoi, genre en mode hey! Oui. C'est totalement ridicule, quoi. Enfin, au jour d'aujourd'hui, c'est totalement ridicule. Et ça ne l'est pas si 2014, c'est... ça l'était déjà. Oui. Enfin, j'entends au jour d'aujourd'hui, parce que 2014, c'est pas si loin de nous. C'est juste une dizaine d'années. Oui. Mais ça n'aurait pas été ridicule si ça avait été bien filmé. Hein. Oui, aussi. Ça aurait été convenu dans tous les cas, mais ça aurait été moins ridicule, ouais. Voilà. Mais ouais, en fait, il n'y a même pas tant de choses que ça à en dire, parce qu'effectivement, c'est à la fois court et en même temps, ça... Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bah, ça dure, quoi, ouais. Non, mais c'est ça, c'est qui est incroyable. Par contre, c'est vraiment... Ce film est une faille spatio-temporelle, c'est pas possible. T'as l'impression de subir 2 heures, alors qu'en fait, t'es là depuis seulement 1h18, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On a vu des navets qui passaient bien plus vite que ça. Ouais. Et puis oui, on dirait qu'il est un peu en retard sur son époque, même au niveau de l'humour, genre la blague sur les sushis. Enfin, tout le monde sait ce que sont des sushis maintenant. Ah oui, non, mais oh là là là. J'ai pas compris cette blague où des gens invités à un repas mettent des sushis à griller au barbecue. Parce que c'est du poisson cru. Parce que sinon, c'est bizarre, ouais, mais... Ah bah c'est le principe, c'est des sushis. J'irais un truc de redneck, mais des années 80, tu vois. Après, c'est peut-être volontaire, justement, pour se foutre un peu de la gueule des ricains. Ça. Ouais. Peut-être ouais, qui bon, fait justement pas, une autocritique en mode l'ouverture culturelle, bon, c'est pas encore trop ça, quoi. Ouais, peut-être, mais je sais pas. Parce que celui qui en sert... En fait, j'ai l'impression que ça veut aussi un peu se foutre de la gueule du fils qui veut devenir cuisinier. Ah, tu penses... Je sais pas comment faut le prendre. Ouais, maintenant que tu le dis. Genre, on se foutrait de sa gueule parce que, genre, il veut être un peu... huppé. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas trop maintenant que tu le dis. La conclusion, c'est que c'est une scène de merde. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Le seul trait d'humour qui fonctionne, je trouve, c'est quand ils ouvrent le livre comme si c'était une bombe, tu sais, en se cachant derrière, derrière un muret. Ça, c'est rigolo. C'est rigolo, mais tu sais pas trop pourquoi c'est là. Bon, ils viennent de trouver un livre secret, donc allez. Ouais, mais non, ce que je veux dire, c'est que tu sais pas trop pourquoi c'est là. Bah, c'est le seul moment du film où t'as un trait d'humour comme ça, quoi. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Alors que t'en as jamais eu pendant. Tout le film est très sérieux, il faut le dire, hein, c'est très pesant. Oui. Ça a une ambiance très terre à terre. Après, c'est normal, vu que ça traite un peu de maladie et de vieillesse. Je me demande si serait pas. Si vraiment il n'y a pas plein de trucs coupés dans le film. S'il n'y a pas l'idée qu'au départ, il y aurait dû y avoir 20-30 minutes de plus et que qu'ils n'ont même pas été tournés parce qu'il fallait aller vite au tournage. Oui, peut-être que le film devait avoir un aspect un peu plus léger, peut-être, par moment. Ouais, ou des éléments plus développés, tous les éléments dont on a dit qu'ils n'étaient pas assez, ils auraient pu l'être plus. C'est ça, peut-être que l'ami imaginaire. Après, en parallèle, on aurait pu. Peut-être que l'ami imaginaire, finalement, au bout d'un moment, faisait du French Cancan, c'était peut-être drôle, on ne sait pas. Ouais, c'était peut-être hilarant. Après, on aurait pu aussi ne pas perdre de temps avec, par exemple, tout le flashback raconté par le prêtre, qui est pas nul en soi, mais qui est quand même très convenu et très dispensable. Bah oui, tu vois, tout le passage du prêtre, clairement. Donc voilà, moi, je pense que j'ai pas grand-chose de plus à en dire. C'est pas très bien. Non, c'est pas très bien. C'est très long, alors que c'est très court. Ouais, voilà, c'est ça. Un film de Neil Breen passe beaucoup plus rapidement, c'est dire. quand on le voit en étant 2000 dans une salle, hein, en étant tout seul, je suis pas certain. Oui, voilà, c'est ça. Et bon, on va pouvoir passer à une scène. Eh ben, allons-y. Le dimanche après-midi, on attend un peu grand-mère. Pas besoin, nous dit papy. Elle est morte l'année dernière. Très bien, nous allons lire un extrait qui est au milieu de la nouvelle. Donc, George se souvient de choses qui lui ont été expliquées ou qu'il a entendues autour de sa grand-mère et de ses étranges pouvoirs. Alors, ça va être un peu atypique parce que comme les souvenirs sont divisés dans la nouvelle, à un moment, il y aura une coupe. Je vous signalerai qu'il y a la coupe. On va sauter plusieurs pages pour réunir deux parties d'un souvenir. Mais dans tous les cas, je suis dans l'édition France Loisirs de Brume. La traduction est de Michel Pressé et Serge Quadrupani. Nous sommes donc au milieu de la nouvelle Mémé, à la page 531 dans cette édition, pour commencer. Maman garda le silence un long moment et puis lentement, elle se remit à étaler ses cartes. « Il est peut-être temps pour toi de savoir », avait-elle dit. « Mentir est pire qu'écouter aux portes, je suppose, et nous mentons tous à nos enfants au sujet de Mémé. Et je suppose aussi que nous nous mentons tous à nous-mêmes, la plupart du temps en tout cas. » Et puis elle avait parlé avec une amertume soudaine et malsaine qui jaillissait d'elle comme un acide giclant d'entre ses dents de devant. Il lui sembla que ses paroles étaient si virulentes qu'elles lui auraient brûlé le visage s'il ne s'était reculé. « Sauf en ce qui me concerne. Je dois vivre avec elle, et je ne peux plus m'offrir le luxe de mentir. » Alors maman lui avait raconté qu'après leur mariage, Pépé et Mémé avaient eu un bébé mort-né, et puis un an après, un autre bébé, mort-né lui aussi, et le médecin avait dit à Mémé qu'elle ne pourrait jamais porter un enfant à terme et que tout ce qu'elle pouvait faire, c'était continuer à avoir des bébés mort-nés ou des bébés qui mourraient dès qu'ils respireraient à l'air libre. Cela continuerait, disait-il, jusqu'à ce que l'un d'entre eux meure en elle et reste trop longtemps dans son corps, y pourrisse et qu'elle meure aussi. Voilà ce que le docteur lui avait dit. Peu de temps après, les livres ont commencé. Des livres sur la façon d'avoir des enfants ? Mais maman ne lui avait pas expliqué, ou n'avait pas voulu lui expliquer, de quelle sorte de livres il s'agissait, ni où Mémé les avait fait trouver, ni comment elle savait où les trouver. Mémé avait été de nouveau enceinte, et cette fois le bébé n'était pas mort-né, et il n'était pas mort après deux ou trois respirations. Cette fois le bébé était en excellente forme, et c'était l'oncle Larson. Et après cela, Mémé avait continué d'être enceinte et d'avoir des enfants. Un jour, Pépé avait essayé d'obtenir qu'elle se débarrasse des livres pour voir s'ils auraient des enfants sans eux. Ou même s'ils ne pouvaient pas en avoir, Pépé estimait peut-être qu'ils avaient assez de marmailles désormais, alors peu importait. Et Mémé n'avait pas voulu. Georges demanda à sa mère pourquoi, et elle répondit « Je crois que la possession de ces livres était devenue aussi importante pour elle que d'avoir des enfants. »« Je comprends pas, » dit Georges. « Si sa mère, je ne suis pas sûr de comprendre, moi non plus. Si... J'étais très petite, n'oublie pas. » Tout ce que je sais avec certitude, c'est que ces livres ont acquis un pouvoir sur elle. Elle a dit qu'on ne reviendrait pas là-dessus, et on n'y est pas revenu. parce que c'était mémé qui portait la culotte dans la famille. Et là, donc, je saute à peu près deux pages dans mon édition, et je reprends au bas de la page 534. Ainsi, mémé avait eu des bébés et avait enseigné, et les médecins étaient proprement stupéfaits. Et Pépé faisait le charpentier, et en gros, il ne cessa de prospérer, trouvant même du travail au cœur de la dépression. Et finalement, expliquait maman, les gens se sont mis à parler. « Qu'est-ce qu'il disait ?» demanda Georges. « Rien d'important, » répondit maman, mais d'un geste brusque, elle ramassa les cartes. Il disait que Mémé et Pépé avaient trop de chance pour des gens ordinaires, et c'est peu après que les livres ont été découverts. Maman ne voulut pas en dire davantage, sauf que la direction de l'école en avait découvert et qu'un homme embauché pour cela en avait trouvé d'autres. Il y avait eu un grand scandale, Pépé et Mémé avaient déménagé à Buxton, et il était retombé. Voilà. Et maintenant, une scène similaire dans le film, même s'il y a une différence majeure que vous verrez tout de suite, puisque dans le film, ce n'est pas la mère qui raconte tout ça à Georges, c'est le prêtre du village. C'est parti. What happened? She loved something too much. Children. She wanted them more than anything. But the good Lord decided not to give her any. I'm sorry, Frank. She ain't ever gonna be a mother. Now you have to understand, this was a woman who served God every day of her life. She could not fathom why he had deserted her. So in time, she decided to look elsewhere. What do you mean? I don't hold with these local superstitions, but there have been times when I've looked out at those mountains, and I know there's something up there staring back. Something old. Mean. Well, you sure fooled me. We might even be talking twins. Now, it's a little early, so I want to keep an eye on you, but I don't see why we can't celebrate. Looks like we hit the jackpot. Are you ready for number three? She got what she wanted, but there was a price. He became the town drunk. Beat three of my congregation half to death. All I could do was tell him to stay away. The next year we had a drought. Her farm was the only one spared. Decade after decade, no matter how bad things were, your grandmother always did very well. And every time she'd get a little meaner, she'd get a little nastier. She was trading in the good bits of herself to get what she wanted. If you thought she was so bad, then why'd you keep her Bible? Love is blind. Voilà, très bien. Donc, comme d'hab, je vais te laisser commencer. Que penses-tu des deux versions de cette séquence? L'avantage de la séquence dans la nouvelle, c'est que la mère explique ça du coup à hauteur d'enfant, avec un langage un peu moins sûr, et elle-même, en fait... ne semble pas réellement sûre de tout ce qu'elle raconte, du coup ça entretient le côté mystérieux de tout ce qui se passe et de tout ce qui est lié à la grand-mère finalement. Alors que dans la version film, déjà on est dans un pur cliché du cinéma de genre, parce que c'est le prêtre, c'est-à-dire la figure religieuse qui t'explique tout le toutime, et puis il est sûr de lui, c'est comme ça que ça s'est passé, dadana, il n'y a plus aucun mystère quoi finalement. Et justement ça annihile le côté mystérieux qu'il pouvait y avoir autour du personnage. Ce qui est totalement contre-productif quand tu veux faire ressentir normalement la moindre émotion un peu craintive envers un personnage. Ouais, donc je suis assez d'accord. Le souci, c'est que c'est un cliché aussi du cinéma d'horreur, le prêtre qui est capable d'expliquer tous les trucs maléfiques, parce que c'est un peu son domaine. Oui. Et ça joue complètement sur ce cliché pour en effet trop nous en expliquer. Ça tente de recréer un lien en disant qu'à une époque, Mémé et le prêtre étaient amis. Et donc ça tente de recréer comme ça un lien émotionnel pour raconter la scène, mais ça marche pas tellement parce que le prêtre, on l'a vu apparaître vite fait dans une autre scène. C'est ça. Mais sinon, c'est la seule scène où il parle vraiment, donc on en a un peu rien à faire de ce personnage. Ouais, parce qu'il apparaît pour partir direct, quoi. Ouais. Ça aurait été... Quitte à faire apparaître un peu plus les différents enfants de Mémé, ça aurait été plus intéressant que toutes ces infos elles soient disséminées tout au long du film dans une sorte d'enquête qu'auraient pu mener Georges et son frère, où ils auraient découvert petit à petit, d'un enfant à l'autre, un peu plus d'informations sur Mémé. Oui, c'est ça. Tandis que là, effectivement, ça cache mal sa nature de long tunnel explicatif. C'est long tunnel explicatif qui gâche tellement tout. Ouais. Et là, pour le coup, le pépé sombre, enfin le mari de Mémé sombre beaucoup plus vite dans l'alcoolisme et dans la peur face à ce qu'a fait Mémé. Ça va oui. beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'il y a moins d'enfants, en fait. Très rapidement, lui, il n'en peut plus. Mmh. Ouais. Et après, il y a l'idée qu'effectivement, Mémé commence à trouver des trésors dans son jardin, enfin des trucs comme ça, qui lui permettent pendant longtemps de maintenir un bon niveau familial, mais en s'isolant petit à petit de la ville. C'est dommage, en fait, il y avait tout le potentiel, comme tu dis, pour faire un truc mystérieux, où on n'a pas toutes les infos, qui joue beaucoup sur les on-dit, et avoir utilisé ce cliché facile narrativement, mais très convenu, bah ça... Ça fait tout retomber. C'est ça, et uniquement pour... dans le but de tout expliquer, surtout, c'est vraiment... C'est dommage, quoi. Ouais, de tout expliquer et de pas se prendre la tête à écrire plus de scènes, à complexifier la structure. C'est un peu de la flemme aussi, je pense. Hein, oui, également, oui. Là. Oui, d'accord. Mais voilà, bah du coup... encore une fois, c'est pas une adaptation qui vaut tellement le coup, mais on va bien voir où on la classe, de toute façon. Oui. Hein. On y va ? On y va, allons-y. Alors, donc, comme d'habitude, classement, pof pof pof, livre, écrit, moi, pof pof pof, film, adaptation, Issam. Est-ce que c'est clair ? Ouais, c'est de plus en plus lapidaire. Hein. Je sais pas quand ça va finir, cette histoire-là. Les derniers épisodes, on classera, ça durera deux minutes l'épisode. Livre, moi, film, Issam. Voilà. Nous avons actuellement 66 nouvelles et écrits. Les cinq premiers étant Sac d'os, Cimetière, Ça, Charlie et Histoire de lycée. Tandis que les cinq derniers sont L'année du loup-garou, Dr. Sleep, Le cinquième quart, Grand chauffeur et Les Tommy Knocker. Où classer Mémé ? Où classer Mémé ? C'était le surnom que je donnais à ma propre grand-mère. C'était ah, c'est pas l'info. Le plus original des surnoms. Hein. Non, effectivement. Enfin, si c'est juste Mémé, si tu l'appelais ou classé Mémé, là oui, effectivement, c'est un peu plus original. Mais... Comme j'ai dit, bon, la nouvelle, moi, la femme l'a fait vraiment revoir à la baisse. Donc, après, et puis le récit en lui-même, je trouve, est pas non plus incroyable. Hein. On a lu bien mieux. Ouais, moi, je trouve que ça traite quand même pas mal du regard apeuré de l'enfant sur. Oui, c'est vrai que ça, c'est pas trop mal. Sur la maladie. C'est quand même mieux que la Cadillac de Dolan, par exemple. Il est où ? 47e. Oui, c'est vrai. Ouais, je regarde... Ah, je préfère, par contre, dans les hautes herbes. Ouais, ça se tient que dans les hautes herbes est mieux. Et Crotchend aussi, je trouve. Ouais. Le rapace nocturne est vraiment bas. Hein. À chaque fois, ça me perturbe. Oui, c'est vrai qu'on l'a mis bas. Hein. C'est un peu dommage, mais bon. On a été un peu bête. Hein. Ouais. Bah du coup, en dessous du rapace nocturne, tiens. Ouais, oui, allez, entre le rapace nocturne et poste de nuit, ça me va. Bah voilà. Mémé devient du coup le nouveau 40... Ça devient le nouveau 42e. 42e, c'est bien ça. Et les films, séries, adaptations, nous en avons 105 de classés pour le moment. Il y a des épisodes où on en a classé 2. Et donc, aux 5 premières places des films, il y a Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Et aux 5 dernières, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Gardner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroman et Jorge Valdasiga, et Room 237 de Rodney Asher. Vous savez ce qu'on pense de Room 237, hein, et vous savez bien qu'il n'y a rien de prévu encore sur cet épisode-là, parce que j'ai pas le temps de composer et d'écrire quelque chose en une heure. Hein. Ouais, pour vous, il s'est passé... Il y a des gens doués, Mozart, il y arrivait. Hein. Pour vous, il s'est passé 15 jours. Pour nous, bon, bah, il s'est passé qu'une... Parce qu'on est dans un TARDIS. Mais c'est vrai que le visionnage de Merci, ça peut paraître 15 jours. Cela dit. Alors, où est-ce que tu mettrais cette daube ? Bon, Merci... Après, c'est pas absolument dans les plus catastrophiques non plus, tu non. vois. Au moins... Au moins, ça a le mérite de pas être une merde complotiste. Ouais. Attends, prenons un truc qu'on prend régulièrement comme comparatif pour les films. Est-ce que tu trouves ça mieux ou moins bien que la Cadillac de Dolan ? Je trouve ça mieux que la Cadillac de Dolan, quand même. Pas beaucoup, beaucoup mieux, attention. Il est où, la Cadillac de Dolan ? 75e. Cette merde. C'est là. C'est mieux que Sac d'os aussi. Hein. Sac d'os, c'était quand même rudement chiant. Bah du coup, oui, si c'est mieux que Cadillac de Dolan, c'est mieux que Sac d'os, oui. Après, c'est mieux que le Salem de Gary Doberman. Oui, c'est mieux que Les Enfants du Diable aussi. Hein. Ouais. Ah, tu commences Les Enfants du Diable, le cabotinage était rigolo, quoi. Mais, oui, non, c'est mieux. Firestarter avait l'avantage d'avoir une bonne première demi-heure avant de devenir complètement nul à chier. Oui, alors que lui, dès le début, il est chiant. Ouais. Bah écoute, entre Firestarter et Les Enfants du Diable ? Ouais, oui. Ou entre Les Enfants du Diable et Salem ? Non, non, si toi tu trouves ça mieux que Les Enfants du Diable, ça me gêne pas de le mettre là. Les Enfants du Diable, il était chiant quand même. Bah lui aussi, tu me diras. Oui, c'est, en fait, c'est vrai que si t'enlèves Les Enfants du Diable, c'est vrai que si t'enlèves les scènes de cabotinage de Arquette, c'est pas très bien. Ouais. Voilà. Et puis il y avait les bizarres scènes où le frère matait. Le gars matait sa sœur. Oui. C'était bizarre ça. Ouais. C'était même plus que bizarre, c'était cringe. Oui, bon, c'est le Nord. Allez, en dessous de Firestarter. C'est le Nord. Très bien. Très bien, donc Merci prend la nouvelle 73e place entre Firestarter de Keith Thomas et Les Enfants du Diable d'Adam Grossman, ce qui veut dire qu'on a deux productions Blumhouse l'une après l'autre. Pour ce Firestarter, on en avait déjà parlé, c'est le Blumhouse. C'est fin de 2022. C'est vrai. Et nous allons pouvoir passer au tirage au sort. Ah! Très bien, j'ai le chapeau, c'est à toi de choisir en premier, donc je commence à agiter et tu me dis stop. Stop. J'ai un papier. C'est mieux. Ouais. Ça va être pas mal. Alors, ça va être un peu de boulot puisqu'il s'agit de la saison 2 de Monsieur Mercedes. Ah. Adapté du troisième roman. Pas du deuxième, donc de fin de ronde. De fin de ronde, ouais. Très bien. À mon tour, je mélange. Et j'ai un papier. Moi aussi. J'ai pioché The Moving Finger, un épisode de la série anthologique Monsters, adapté du doigt télescopique, ouais. Réalisé par Ken Meyers. Quel recueil, le doigt télescopique ? Je ne sais plus, le doigt télescopique, je vérifie. J'aurais dit Rêve et Cauchemar, là, d'instinct. Ah oui, possible. C'est ni dans Brume, ni dans Danse Macabre, en tout cas, ça c'est sûr. C'est dans Rêve et Cauchemar. Ah bien. Donc une petite nouvelle. Ça faisait longtemps, lol. Ah bah là, il reste quand même majoritairement des nouvelles. Après, c'est pas plus mal d'avoir une nouvelle, étant donné que Monsieur Mercedes, va falloir que je relise fin de ronde, parce que ça remonte un peu quand même. Ouais. Je sais pas si tu as déjà lu, toi. Non, j'ai lu que les deux premiers. D'accord, bon, je l'ai bien, fin de ronde, dans mon souvenir. Et bah, la série, c'est 10 épisodes, donc va falloir se les faire cirer aussi. Donc ça va demander un peu de boulot, ça. Effectivement. Eh bien, nous nous retrouvons donc dans deux semaines pour la deuxième saison de Monsieur Mercedes et dans un mois pour le doigt télescopique. Ça sonne comme un porno bizarre. Hein. Ouais, oui, je suis assez d'accord. Mais alors, en cherchant le titre de la nouvelle, j'ai vu que ça existe vraiment, hein, les doigts télescopiques. Tu peux en acheter doigt télescopique de 3,6 kilos, 23 € TTC. Voilà. C'est ce qu'ils ont utilisé pour la parodie espagnole de E.T. Me rappelle pas ça, s'il te plaît. Voilà, c'est le, Seuls ceux qui nous suivent vraiment sauront. C'est-à-dire pas grand monde. Ouais. Je sais pas à quoi c'est censé servir, mais bon, c'est un truc, quoi, ça existe. Quand t'es loin c'est peut-être expliqué dans la nouvelle. Quand t'es loin de ta télé, c'est pour éteindre ta télé. T'as la flemme de te lever. Bah, ça a l'air magnétique. Écoute, on verra à la lecture de la nouvelle. Gardons-nous ça pour l'épisode. J'en trouve, on dirait vraiment des sextoys, hein, pour le coup. Mais ah, bon. Merde. Je sais plus ce que c'est cette nouvelle, mais elle est peut-être surprenante. Très bien, bon, en attendant, vous pouvez nous retrouver où? Bah sur Blue Sky, toi et moi, parce qu'on est plus sur, on est plus sur le réseau social de notre con, là. Toi, cinéma archiviste, sur Blue Sky, et moi, Chris Lost Tales, sur Blue Sky également. Ouais, vous pouvez me retrouver sur YouTube, la chaîne Archiviste du cinéma, où je parle surtout de cinéma asiatique. Vous pouvez tous les deux nous retrouver sur Twitch, donc les chaînes c'est The Lost Tales et Archiviste du cinéma, t'essaies de reprendre en Just Talking régulièrement, et on fait aussi des émissions ciné plus généralistes de c'est temps ça, en temps. C'est ça. J'espère que tout ça vous plaira, à dans 2 semaines, et en attendant n'oubliez pas que le vidéo club de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.